elle dit. Et l'ayant touché de sa baguette, flétrit sa jolie peau sur ses membres flexibles. De sa tête, ses cheveux blonds étaient tombés. Il avait sur le corps la peau d'un très vieil homme. Ses beaux yeux d'autrefois n'étaient plus que rayures. Sa robe n'était plus que haillons misérables, loqueteux et graisseux, tout mangé de fumée. Puis, Pallas Athéna, lui jetant sur le dos la grande peau râpée d'un cerf aux pieds rapides, lui donna un bâton et une horde besace, qui n'était que lambeaux pendus à une corde. Eumée était assis, ajustant à son pied la paire de sandales que dans un cuir de bœuf bon teint il se taillait. Soudain, les chiens hurleurs, apercevant Ulysse, lui coururent dessus avec de grands abois. À grands éclats de voix, sous une pluie de pierres, il dispersa les chiens, puis il dit à son maître « Vieillard, encore un peu, et d'un seul coup mes chiens allaient te mettre en pièces. Mais allons, vieux, suis-moi, entrons dans ma cabane. Je veux que de son pain et de son vin, toi aussi, tu prennes tout ton sou, puis tu me conteras d'où tu viens et les maux que ton cœur endura. » Et le divin porcher, le menant à sa loge, le fit entrer et l'installa sur la banquette, qu'il avait rembourrée de brousse et recouverte de la peau bien velue d'une chèvre sauvage. C'était là qu'il couchait, au large et sur le doux. Tandis qu'Ulysse et l'hôte de son porcher Eumée, Athéna fait revenir de Sparte Télémaque, le fils d'Ulysse, et Télémaque arrive chez Eumée. Tandis qu'Eumée, sur l'ordre de Télémaque, va prévenir sa mère, Pénélope, de son retour, Athéna rend à Ulysse sa véritable apparence. Père et fils se reconnaissent alors et dressent des plans pour se venger des prétendants. Le lendemain, Télémaque retourne au palais après avoir donné des instructions pour qu'Ulysse y soit également conduit. Pendant ce temps, Ulysse et le divin porcher se préparaient aux champs pour venir à la ville. Eumée, le commandeur des porchers, discourut. « Puisque c'est un avis, mon hôte, de partir aujourd'hui pour la ville, je m'en vais obéir aux ordres de mon maître. Tu sais que volontiers, je t'aurai conservé pour garder notre loge. Mais lui, je le respecte, et je craindrai qu'ensuite, il ne me querelle là. Or, reproches du maître ont toujours peu de charme. Mettons-nous en chemin. Tu vois, le jour s'avance. Le soir qui tôt viendra pourrait bien être frais. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Je comprends, j'ai saisi. J'avais prévu l'invite. En route, va devant. Mène-moi jusqu'au bout. Mais, encore un cadeau. Tu dois bien avoir là un bâton de coupé. Il me faut un appui. Vous disiez que la route est plutôt un glissoir. » Et le couple partit, en laissant la cabane à la garde des chiens et des autres bergers. Le porcher conduisait à la ville son roi. Son roi, ce mendiant, ce vieillard lamentable, quel sceptre dans sa main, quel haillon sur sa peau.